ñu jëgal ñu ngi bala xam non non bax non non non bax non non non graw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمر بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رائلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قلنا بن سنت يالا جولي تي نتي صلى الله عليه وسلم نيو لين دي نيو باخ دي لين زياره دي لين نيو نيو الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon insha Allah taala dañuy yeggale fi nga xamantene mom lañ ñëwoon fi sax hadith bi nga xamne mom moy ñaar fukkel hadith ak ñatt ak ñaar fukkel ak ñent bo bulughul maram min adillati ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah mune kon bu ñëkk bi la mom moy hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu wa xamantene muné wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qala manam moy al anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada anna allah wa rasuluhu yanhayanukum an luhum al humur al ahliya fa innaha rijsun muttafaqun alayhi وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه أخرجه أحمد والترمذي وصححه لكن عن عمرو بن خارجة أن أرى عنه جلنا كمومي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال مومنه لما كان لما با خن دنا كان نيكون نا خيوون نا يوم خيبر خيو خيبر موي خري خيبر امر ديغلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موي نوال يالا لي صلى الله عليه وسلم فنادى مدادي ووتي مانام ابا طلحه كون سيدنا ابو طلحه رضي الله عنه ورضى النبي موم لا ديغل فنادى مدادي واخنا ان الله نكبر يالا ورسوله ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum ñi ngi len di téré an luhumi ci ndawalu manam kon lek ndawalu al humur mbam al ahliya yi ko jukkir muttafaquna alayhi ñaar yi ñom ñoo deppo solo ko te mom moy al imam al bukhari ak imam al muslim alayhi ma rahmat wa ridwanul mun'im benen hadith bi mom moy wa an Amr ibn Kharijata radiyallahu ta'ala anhu ñu jël ci sayyidina Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu annahu qala munne khatabana khutbal nañu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam biminal fek bobu ñinga ca minan ca makka ci addu bisu tebeski wo huwa fek momu yenen ci sallallahu alayhi wa sallam ala rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam walu abuha tuflitami yasilu ñi ngi wal rogalat ala katifaya ci sama mbagi akhrajahu ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mo solo hadith bi wa tirmidhi ak imam at-tirmidhi abu isa rahimahullah wa sahahahu tawir nga dafa wax ni hada hadith hasan sahih kon lolu mom moy hadith yi nga xamantene mom lañu tekkon log legi gisson nañu ci jotay yi wessu walillahi alhamdu wal minna gisson nañu li aju ci lan takhrij yi gisson nañu li aju ci mana bati gisson nañu li aju ci masala yi nga xamne ñom ño aju ci ki sa xam xam ak ki nga xamantene moy teggina ki sa xam xam ak nga xamantene mom mo koy joxe legi nak gisson nañ tamit tambali won nañ gis masala yi nga xamantene ñom ñoy masala fiqhi ban masala la mujjé gis ci masala fiqhi ban masala la mujjé gis ah lolou gissoneñu ndax nak li génné ci ñan voilà ci ñay allé ndax lan wa ndax sobe lañ wala dañu lan ndax dañu lam voilà mais lan ci li jugge ci mbay allé voilà ñakki ak lan tuflit ak lan ñan ndaxit ak lan xax tandiko ay wa manam ak yu melni ñom lolu masala bobu yakarna wess won nañ ko ak benen ban masala lañ gis yan lañu dagana lek yapam ak lan mo daganu ñu lek yapam gisoon nañ classification bi bo xon ne lepp lu ndek ment moy carnivore yi mo xam ci yi dox la wala yi nga xam tane ay lan lañ ay picc lañu yépp dañoo lan dañoo harama lek sel yap gisoon nañ tamit lan ndem mbam khuux dafa harama lek lan yapo gisoon nañ ni lepp lo xamantene dañuy diglé ku ko lan ku ko ray day haram ñu lek lan yapam comme ñan jaan jip dedet hein jip wala moy rongeur yi moy ñom kena ñom no dedet sindax bokku ci hein dañu digle dañu digle ku len ray parce que dañuy yak en fait wala ñom dañuy fekk dañuy yak ba paré dañuy posone aussi ñam yi comme lu démé nek unku tamit unku day man ko salam naga hein jiko wala ak ngoti wala ak ngoti benga ak ngoti ayo legi amna yenen yo xamantene dañu téré ko len ray yoy tamit wala fof lu mbott dug mbott moy grenouille yeen ko ray dedet dañ ko téré ah yow newu yon jotay bi wess ah ok non nek ko mbott day sonale ah mais mbott demul keur kel ludul du sonalaté ludul ci ndox rek lay nek ba pare mbott day soudu wax Voilà. Vous avez Voilà. Vous avez une enquête. Quand vous êtes un homme, vous avez un problème. Hein? Quoi? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez Voilà, légui kon yoy dañuy téré ko len ray yenen yi nga xamantene kon yoyu yépp dañu haram voilà lepp lo xamne dafa dugg ci catégorie bobu dafa haram voilà ni ñu tuddé xorondom moy lepp luy mbelantane sank lañ ñoño yépp doon lañu tuddé xorondom voilà voilà kon yoy dañ leen day téré ko leen ray kon dañu haramale yi nga xamantene tamit ay ki lañ dañu haramale manam li nga xamne ay khaba'is lañ manam moy dañ leen di xeexlu ndax ay sobe manam dañ leen considérer comme ay sobe comme mais lolou borom xam xam yi dañ ci wouté rahmatullah comme bo def bo xolé fuqaha maliki rahmatullah ñom grawolunu comme lu demé nek ay doud moy ay wer moy ay ver wala yu mel nonu comme yi nga xamantene ñom ñoy nek ci ñam yi par exemple ngay nek pom wala tandarma fek fa ben luy nok wer non ñom haramu luñ ko lek mais rek dañu wax ne xam nga yoy ken du len rendi tamit yoy ken du len rendi mais yey gi nga len di yey da nga ci am yene rendi len manam yene bobu lolu doy la waye ala kulli hal legi nak ñom question bobu buñ len waxe question ne yoy ci khaba'is lañ bok manam ci sobe parce que alquran comme nim ko waxe wa yuhallu lakum at-tayyibat wa yuharramu alaykum khaba'is ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew bok na ci lim fi ñewé moy da fay daganal yi nga xamne ñom ñoy yu teyi ba pare di haramal yi nga xamantene ñom ñoy yi sobe wu yi yuharramu alaykum khaba'is dañ leen di haramal yi nga xamantene ñom dañ ay lañ dañu sobe wu wala bok dañu khabisa moy lu bon lo xamantene voilà contraire de l'outil voilà contraire de l'outil deng lolu nak manam lo xamne nit ñi buñ ko gisee dañuy gis ne li dal dafa salté voilà dañ koy sop dañ koy ci ñom ma fuqaha maliki rahmatullah li ñi tontu ci lolu mom moy ne lolu ñom jappu wuñ ko comme lo xamne nak xamisal comme lo xamne tane lu bon la lu salté la lu ñi cheikh lolu manam parce que fofu problème a da day ñew motax comme imam ash-shafi'i rahimahullah mom limu considérer comme étant que ni mom moy khabisa parce que borom xam yeb depo nañ ci na khabisa dafa haram manam lepp lo xamantene nit ñi dañ koy gis ne li dal salté la dafa harama lek ñom d'accord nañ ci lolu mais dafa harama lek amna différence entre nangam dafa harama lek ak nangam sobe la attends amna différence bu fekkante ne sobe la c'est sûr que dafa harama lek mais bu fekkante dafa harama lek mbir mën na harama lek fekk du jëm ñu sobe mom ci bopam mais nak bu dé ci ay animaux mom day daal du mujjé nek sobe parce que med la waye bu fekkante né yap bi dañu yap nangam dafa harama lek c'est parce que lolu sobe la aussi mais lolu masala la bo xamné dinañ ci ñëw inshallah ci masala usuliyé yi ci manam né haramal ndawal haramal ko day waral ak sobe wom ak li nga xamantene mom la ci borom xoxam wax rahmatullah alayhim legi lepp lo xamantene dafa nek ci djit masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aj won ci djit gis nañ ko kan premier hadith wa wala huwa at-tahur ma'uhu wal halu ma yatahu voilà né dafa lat c'est la balade kon hein et que lan mo dem dagal la et que lool moy li note ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim li nga xamne mom lañu wax te mom moy lepp luy mir dagal la mais légui ñu bu fekkante ne gisoon nañ tamit li nga xamantene mais loolu tekkante yi ci aju ku ko bëgg ku ci bëgg déllu wat mëna déllu wat ci hadith ñëk ni légui bu fekkante ne lu dundu leg leg ci geej la di dundu leg leg ci jëri ji wa lu dundu ci geej ak ci jëri ji moy comme kan comme wat comme kan mbonat comme kan on ko ñu wax ki fa ko sa non non deud fa ko sa ki la deudet ki bugu mo won wax koku fok voilà fok dañuy dundu ci geej ji di dundu ci jeeri ji bo wa ñom lan moy seen até gisoon nañ ko dañ leen di considérer comme mid geeri ji non lool moy seen até voilà dañ leen di considérer comme mid geeri ji voilà jeeri ji mu jeeri moy continent geej moy le continent voilà dengue su fekkentene kon luy dund lu yagg ci geej gi xam nga amna wala ñu kuy dund lu yagg ci geej ci ndox ak kuy dund lu yagg ci geej manam ci souf koku lañuy wax mais ki nga xamantene motax tamit meddum geej kan bokku ci comme niñ ko gissewon moy kuy dund ci jeeri ji ñew deewé ci bir geej gi koku bokku ci masalan tay ku yoro num xar ñobbu ko ba ci geej gi xar mi lap ngene ya comme lu medde ci geej rek dagal na ah deul bobu taxul ñu wax hein voilà legi kon gisoon nañu tamit ci masala yi ci jotay bi wessu ban masal fas ndax xamnañ ni bax la moy lan ñulé doomu fas ak mbam berkel mum lañ nane berkel ci wolof wala ñulé wala bardu wala moy berkel dafa lan dafa haram Voilà, c'est haram alek. Mais fas. Gisson menu, masala fas. Voilà. Voilà. Masala fas, gisson menu nelan. Hein? Voilà. Hein? Deux femmes qui l'ont. On a goûté. Divergence. Aywa do ma ngi len di deglu ci avi kan mo wax lan voilà do lu no wax harafi rahmatullah alayhim ñom dañ ko lan dañ japp ndax haram voilà ñu bayyi xel masala bobu ci point hanafi rahmatullah alayhim li mom moy la globalité la ñom comme li ñu toxal ci sharhul muhaddab ci ne hanafi rahmatullah ma imam abu hanifa ci bopam rahmatullah mom dafa japp ne kikoy lek manam mom dafa japp ne dana am bakkar ya fa musahibahu manam dana am bakkar meuna waye kel du tuddé mbir mi haram lol nak ñom ci xalafi amna ñu tuddu ñom amna ñu tuddu ni borom xam xam hanafi rahmatullah alayhi même ci seen biir ni ñuy toxale comme li kenn ci ñu mag ñi ci hanafi ci ñaar ci sheikhani hanafi rahmatullah bu neex al sheikhani ñaar serigne yu mag yi dafa am ñaar ñu wax moy kan voilà mom al imam ha abu yusuf al imam abu yusuf yaqub ibn ibrahim al ansari rahimahullah akal muhammad ibn hasan al shaybani rahmatullah alayh voilà lay ñaarel bi moy sheikh muhammad ibn hasan al shaybani rahmatullah alayh talib imam abu hanifa rahmatullah mune ñun nak fas mom lu wax deeng mom mune imam bi day neena fas dafa haram mi wala bok daganul lek wala dañ ko sip manam sibuk haram waye ñun gisunu ci ben problème ndax lan ndax hadith yi wax ci fas mais comme niñ ko gissé hanafi rahmatullah alayhim dans leur globalité dañ giss né dañ japp né dafa haram karahatu tahrim lañuy wax comme ni nga xamantene nonu la borom al hidayah ci ñom sah al hidayah ak al khulasa ak al mughni ay téré yi hanafi rahmatullah alayhim la ak qadi khan rahmatullah ñom li nga xamantene mom la al imam ibnu abidin rahmatullah alayhi solo ci mom ci ban téré al imam ibnu abidin voilà rabb muhtar ila dirl muhtar deng téré bobu ci mom lolu dafa taxal ci ñom ne li ñu notal moy karahat tahrim bobu donte amna ci ñom ñu notal karahat tanzih manam ni sibil comme maliki rahmatullah motax hanafi rahmatullah dañu wuté mais globalement li gëna bari ci ñom karahat tahrim lañu notal motax ñu ne ñom dañ japp ne dafa haram manam karahat tahrim moy ñom dañu am ñaari haram manam c'est que hanafi rahmatullah il faut nga comprendre sen mazhab ay point bokku na ci point yoy moy ne ñom dañu différencier entre lu ñu wax haram ak karahat tahrim alors que ñeneen ñi di def yeb différencier wu mais ñom dañ ko différencier parce que ñom dañ japp ne haram pour ñu wax ci ben affaire vraiment il faut mu dafa grave en fait buñu xese bo wax ne nangam dafa haram ray nit dafa haram ñom haram lañu jëfëndiko budé ray nit budé sacc haram lañu jëfëndiko budé ndialo haram lañu jëfëndiko mais comme cas de figure bi duñ jëfëndiko haram lutax parce que mënuñu jëfëndiko haram ci lo xamantene borom xam yi dañ ci wuté motax dañuy wax ñom karahatu tahrim dañ ko sip sibuk haram dañ ko sip sibuk haram ñom non lañuy waxe karahatu tahrim lañuy wax légui motax li yeneen borom xam buñ nan nangam makruh la karaha gogu manam moy dañ ko sip yeneen borom xam yi liñuy wax sip ñom karahatu tanzih lañ ko tuddé manam ci biiru moy tandiko ci biiru wala jëma moy tandiko wala ñom non lañ koy tuddé voilà donc légui kon hanafi rahmatullah ñom loolu lañ wax légui ak ñan ñu wax lénen loolu wax rahmatullah alayhi très bien ñom dañu né dañ ko sip manam kon ñom pour ñom fas dañ ko lan dañ ko sip après ak kan le shafi ak ñan khana bi lay rahmatullah alayhi wala ñom luñ wax la dafa dagal amul luñ ci sip amul dara amul problème parce que lutax hadith sayyidat asma bi radhiyallahu anha mais rend nañu fast keur yarante bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dund mu gis ko waye biñ ko ci sédé dafa ni mom du ko lek ndax manam du mi manam wala du ñam bu muy wala du habitude dam dal wala mais comme ni nga xamné non la hadith jabir bi wax radhiyallahu ta'ala mu muné naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma khaybar an luhu an akli luhumil humuril ahliyat wa rakhata fil khayl yene hadith bi tamit mi ngi ci ñaar sahih bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullah alayhima né jouru khaybar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa téré lan lek yap ha mbam all mbam bam keur yi mbam keur yi manam mbam suuf me nak mu daldi woyofal ci lan ci fas manam fas mom woyofal nako pour nit ñi mën ko lek lool mom motax hein que ni fas lek ko haramul dara neeku ci mais comme niñ ko gisse won comme niñ ko gisse won que ni manam ci bir gi tekki wut ne manam bi malikey di wax rahmatullah tekki wul ne boko lekke baxu da ngay am bakkar wala dara mais liñ ci djublu mom moy ne nga bañ ko lek mom mo leen gënal su fekente ne am nga leneen lo lek manam bu fi xar lekke nga lek xar mo gën ci ñom nga lek fas ñom lool lay tek voilà ay wa legi ñu jall ci yeneen masala yi nga xamantene mom lañ wara gis inshallah te mom moy sobe moy yi nga xamantene ñom ñuy jenné ci animaux yi sur les anaphites ouais. C'est interdit c'est haram oui. Mais quand c'est fortement enfin non mais c'est à dire que non le mot haram ils disent voilà c'est, ils disent que c'est haram mais en fait le terme karahatu tanzih c'est à dire la le fait que cela soit prohibé de manière illicite ce terme n'existe pas dans les autres mazhab. Voilà, les autres mazhab, ils n'ont que le mot haram. Mais eux, ils différencient entre le haram. Parce que pour eux, quand on parle de haram, on quand on parle haram, on parle de ce qu'on sait, moi, il y a l'unanimité des savants. Et que quelqu'un qui est le mot haram, il y a qui est fait. Ñom loolu la baat haram di tek ci ñom buñu né nangam dafa haram ñom loolu tax ñu loolu mo motax même farata ñu ñom ñu différencier entre farata ak wajib xana fi rahmatam dañu différencier entre farata li xam nga yeneen message bi ñu bo gisé farata dañu wax farata wala wajib moy farata la dafa war alors que ñom dañu ñu différencier loolu mo motax ci ñom ñom dañ nan julli lan 8 heures ñom dañ ni wajib dafa war mais waxu ñu ne farata la lutax alors que julli juromi dañ ne dafa farata la baax farata lañu jëfëndiko ci julli juromi mais ci julli witam ñom dañ ne dafa war lutax parce que farata moy lo xamantene ñepp d'accord ci ne li farata la kepp ku wuté ci lool dañ lay considérer comme yéfer manam ginnaw bi nga gisé preuve yek yoy motax ñu wax légui kon ñu dal ci yenen masala mom moy atay lan voilà li nga xamantene mom moy genn non lolu gisson nañ yi genn ci ñuy dund mais amna benn parti buñ ci gisul mom moy lu demé neké nen yi manam ñi am nen sen nan bu fekente na dafa sobeu manam dafa yakku nen bi su fekente na yakkuul amul problème nen bi su yakkuul la ha sobe du sobe ganar tay bu ñewé nen ganar wala ginar degna gaay di ci ciow wa ganar lañ wax wala ginar wala ku nek li ci indi sey teori mais bon bu la ci neex waxal wala en fait c'est que langue yi dañuy am yu mel nonu langue yi dañuy am selon zone géographique fi ñu dëkk ay yenn prononciation yenn mbir yi voilà prononciation change mais selon zone géographique voilà donc amul ay spécificité yu extraordinaire entre ginar ak ganar voilà comme entre gay ak gay voilà non du ben mais sen origine yi ben la. Maintenant, selon la zone géographique, la prononciation, il faut différencier les mots. Comme Mbaye et Mbaye, exactement. comme mbay ak mbay baye deux a non non ben a la ñoo ñoo bok ni ñu leen di bindé mbay mbay ñoo bok ni ñu leen di bindé man sa mam mbay la sal sa mam bu jigen m b a y e lañ koy bindé voilà lolu tout dépend ci zone géographique yi tout simplement voilà amna zone yi ñu dëkk ci zone montagneuse yi wala zone yi nga xamantene do dafa akile nu do ndand foy foy la moy comme désertique le voilà et cetera tout dépend donc selon son yi ñi dégager da nga gis même sen voix yi day wouté lolo tax ngay gis ñi dëkke ci wétu geej gi souvent ndox mi sen façon wax mëna wouté ak ñeneen ñi ci dess tout simplement bon ala kulli hal bon légui ñu déllu ci suñu masala yi voilà légui kon no bay ko graw voilà légui kon lan lañ gis lan lañ waxon nel tay bu amé ginar go xamantene dafa lan wala banjoli gu lan nen wala lan pitax mu lan nen wala lan kanara gu nen wala voilà ñu autre wala waji lekkate wala ñum ndëbbin ndëbbin ya yakala corbeau lañ ko wax non corbeau est ce que du baxal corbeau moy baxal ndëbbin ndëbbin day ñuul té mak aigle wala mën na nek aigle wala charognard voilà ndëbbin day ñuul té mak mom la wolof yi di wax naan ku ndëbbin ray sa mom so gisé lu ñuul da ngay daw voilà dëng wa parce que ndëbbin dafa ñuul motax du bu rayé sa mom bo gisé lu nga wara xelu nga wara sam bu xel yi voilà légui ko donc pour revenir ñooñu buñu néné ñooñu buñu la né buñu néné sen nan latna tax latna sen nan latna on est d'accord wa latna amna différence fofu nak entre latna ak dagan na lek lo xamantene mom ci jëmm bopam dafa dagana lek comme ñom ginar ñom pitch ñom pitax ñom kanara ñoon yo xamne dagal nañu lek sen nel day dagana lek mais ñi nga xamne ñom ndebine hein ñom ñi nga xamantene dañu harama lek et cetera ñoonu sen lan sen nel day harama day harama lek tortue mom da fay ñen est ce que nana dagal na lek tortue amul luy manam tortue dagan na lek tortue mom dagan na lek donc nenam dagan na lek voilà lutax parce que tortue bokul ci ñi téré ko ray bokul ci ñi diglé ko ray ba paré ci ciossal moy dafa dagal voilà légui ñu wëlbeuti ku kon ci wala légui nak suñu masala bi mom moy ñono sen nen yi lap nañ manam lap nañ légui nak mu dess est ce que su yaqo lan moy atam su yaqo borom xam xam yépp rahmatullah alayhim d'accord nañ ci ne nen bu yaqo lan day dal di sobe nen bu yaqo rek nek sobe wala nen bu yakko nek sobe mais liñu wouté moy lan moy yakko wala fofu rek lañu wouté kenn ku ci nek nang ka am noy définiré ak yakko ñu tambalé ci mag ñi ñan ñay mag ñi Hanafiyé rahmatullah alayhim ñom ñay mag ñi ñoo rahmatullah alayhim liñu japp né mom moy yaqku mom moy mu déréxal manam mu nek lo xamanteni dafa mujjé soppeku ba nek dérét mais kanta buñu gisé rek né xet ji dafa xaw soppeku wala yu mel non ñoom dañ koy considérer comme yaqku bu soppeku bu xet bi soppeku lol mom tekkeli wul ak haram aucune mort baxna ah maliki rahmatullah ni len ñun d'accord nañ ak yeen moy nen bi bu deme ba xam nga vraiment dañuy gis ne dafa am deret et que nen gi dafa deretal et que mais ñun dañ ci bolé mu xet gi soppeku dañ ci bolé tamit le fait que mu nek lo xamantene dafa noy noyay go xamantene jaadotul manam day melni lumbu deret wala yu mel nonu manam ñun bu boba dañuy koy jappé comme nen bu yaq ñun dañ koy jappé comme nen bu yaq waye le simple fait que lu xonk lu jaune li ak lu wex li jaxaso moy blanc bi ak jaune bi ñun lool tuddé wuñ ko yaq ñun lool tuddé wuñ ko yaq voilà deng ñom nénañ lool tuddé wuñ ko yaq niki nonu su amé ben tok bu xawé dérétal deng luñu nane dafa dérétal moy dafa am ay tok dérét non rek mais bu dé dérét la go xamanteni dafa commencé nak wala ak yoy rek boba dañuy koy jappé comme ni dafa yaq ñom dañ koy jappé comme lu yaq mais sinon sudul lolou dañ koy considérer comme lu la batay manam fermentation moy lan moy bu len fermenter wa lolou lañ wax ñom lolou lañ wax yaq manam parce que bu xet gi xam nga lolou bu amé xet gi day commencer soppé voilà day commencer forox exactement ñom lolou lañ dañ koy tuddé yaq Shafi'iyye rahmatullah alayhim ñom lolu tuddé wuñ ko yaq ñom li ñu tuddé yaq moy buñ démé ba nga xamantene nen bi kenn xam nañ ni li ñom lén rek lañu tuddé yaq moy est-ce que nen bi ben règle rek lañ ci considérer ci yaq nen wala ak baxam moy est-ce que nen bi lan la ndax mën nañ ko beufat ba mu jur wala dét su dé mënuñu ko beufat nen bobu yaquna suñ ko bo faté du bax nen ba yaquna wa su dé suñ ko bo faté dana bax nen ba yaquul mais kon ñom considéré tuñu tamit manam zone bi lan bi ah ak blanc bi jaxaso lool considéré wuñ ko ko yaq amma hanabi lay hein lan fekonde on peut le fekonde couvé hein voilà couvé voilà voilà voilà deug ayo legui kon benen bi ci dess ñan mom moy lan hanabila rahmatullah ñoo leen ni yeen deuy yeep def ko ñun leen rek lañuy considérer comme yaq moy jaune bi ak blanc bi taxaso lolou fu amé rek yaquna mais donc lolou nak mom solo mazhab yi la rek ko kon ken mazhab bu ne yaay xol wala c'est que mazhab bu ne ak ni ngi ko considérer la mais amul lu fi ni par exemple masala yu melni nak amul ne ndax bi dina gëna wër wala bi gënul wër wala yoy lolou mom question mazhab la ndax lan ndax kenn ku ci nek manam appréciation la bo xamanteni dañuy considérer ndax lan ndax yakuna wala yakul mais ñom ñep kenn ku parce que masala ijtihadiyat mahda la masala la bo xamanteni comme texte yu leer amu ci ijtihad rek la ijtihad la lacc rek manam moy effort de jurisprudence voilà lool la rek mais laaju lenen deng nga legui mu dess lan ñu dess denen masala moy med bu fekete ne med dafa am yu genné ci mom manam animal bi med na bu xese ba med lat na wala labul hein labul legui lan moy med fo ñu définir med très bien hein comme li yaqal al munkhatiqat wal mawqudat wal mutaraddiyat wal natihat wa ma akala sab'u illa ma zakaytu wa ma dhubiha ala musbu wa astaqt an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq lol perversion la moy labul sobe la baxu med moy lepp lo xamantene med moy lepp lo xamantene dafa de ci anam gum meuna dewe mo xam dafa xod wala dañu mbeukante xar xar comprendre nga xam mbeukante ba de wala mu mbeuk ben fenn wala mu joge mu tarat yak mo ku joge ci kaw daanu de han ak ko xamantene ndeg menti ñoo commencé lek comme ku ben lu commencé lek wala gayne et cetera voilà ñoonu ñu dé ci lolu yoyep ay medd lañ wala mu febar ba dé rek tout simplement mu dé bëpp dé dal mu né illa ma zakaytum lén rek modul medd moy lo lén rendil sen bop rendi bo xamanténi ak zakat la tuddu manam rendi bi sharia nangu nak gisoon nañ ko moy condition yi gisoon nañ wala kay deng rendi bu sharia nangu mom gisoon nañ ko moy lan ha ki koy rendi na am lan monsieur ben amna ben condition kesse buñu wax muy mu remplir yene ne ben al ahliyat moy lan al ahliyat moy nan lañ ko ci tubam ahliya wala ki moy nga nek ñooñ pour man ko def moy habilitation nga habilité c'est à dire que comme ki koy rendi il faut que mu habilité rendi habilitation bob moy lan hein moy nga nek lan hein nga nek majeur du ci condition nga nek julit wala hein wala la wala ke wala juif wala chrétien kitab yi wala waye até bokku ci até bokku le ya ngi deg ayo ndax lan ndax borom bi mo wala bon lolou après nañ ci ñew ñaaral bi ci dess mom moy lan nga tuddu turu yalla ñu tuddu turu yalla tay ab chrétien wala juif bu rendé te tuddul turu yalla bokul parce que yent alcorane mo ñu ko téré mune la ta wala ta kullu mim malam yuzkarismullah alayhi innahu la fisq bo ba medle da non medle wa lutax parce que mënuñu considérer ki julit bi rendé te tuddu ci turu yalla ñu considérer ko medd ba paré ñu né chrétien mom bu ko rendé te tuddu turu yalla baxna lool yalul mana voilà légui chrétien bi ñuy bëggu tuddu yalla chrétien du gëmu ñu yalla amnañu rit chrétien amul rit wa amul voilà ayo légui ñu mu dess lan mais waru ci tamit tuddu turu kenen wala lenen comme kuy ndop ak yu mel non sa mbok le bi ha deng par contre waaw mais baxu ayo ak lan hein lol kon lol moy lol ñaarel condition la ñettel mom moy lan hein dañ ko sopp rek wa yoy yuñu sopp la yuñu rafetal la non mais xit la bi bu dé non non non non tam dañ ko sop condition lan ha lool lañ wax lool lañ wax man lo yoy luñ sop la lan man ma ngi ci condition yi mais kon xam nga ni ñi rend lan mom lañ wara def lan moy tax yapp bi may lek bax mais tout le temps yalla oui wa bismillah yu bax la wala bismillah allahu akbar tam voilà mais amna lenen amna yene non mais lolu moy julit bi wo yene bi voilà non mais legui wa tour deret d'accord mais voilà c'est à dire que mais lolu tour deret sama loxo la koy defé lolu lañ wax lan lañ wax outil bi ko lu no outil bi bax ñam ñaw ñaw di mëna dag put gi ah ñaari wanañ yi ñaari sidib yi nekk fi moy lan ak lan ah wa no wa legi ñu jall ak lan kon ce qui veut dire quoi. Ce qui veut dire que nitay buma jele sama xam nga mën na bismillah ñu tek xarmi ne ci xarma ngi ni bismillah ma jël cour wala gën du doon tuy bam dé bu bobu toje wala lool baxu. Ce qui veut dire que buma commencé courant bamou dé baxu manam même buma nekké julit wax bismillah ñu mass ko courant baxu ba pare il faut que mo may rend ma rendé ko fi ci beut kanam ci bat bi ba ci dokk bi ça ka veut dire que buma yoré lo xamantene dokk bi lay dag lool tamit baxu position ci nouru de tafa ki nak dang koy teureul wala mais condition yi ci lañu né. Parce qu'il faut nous savoir mettre en nous mettre. Parce que si nous savons mettre, en fait, l'unité de Al-Hukm Pharaon en état savouri, c'est ce qui est important, fondamental. Moi, je ne sais pas, il faut que d'abord, je représente vos questions. Nous ne pouvons pas me dire une question, je ne peux répondre à une question. Sans que je représente d'abord, c'est quoi la question? De quoi s'agit-il? L'inan de quoi s'agit-il? Al-Hukm Pharaon ani tasawuri. Voilà, lumay répondre lu nek il faut ma xam lan. Donc buñu waxé med nangamu med nangami med ñuy wax até yu wër wër lo ci med yépp té xamuñu luy med moy ba tay xamuñu question bi lan la. Ce qui veut dire que lan lañ ci mëna duggal ak luñ ci mëna duggal duñ ko xam ak lan wa lolu bo ba legui ñu koy wax mom la lay wax na dañ ko sopp kessa nekul lu fara ñad wala bo ala kulli hal kon voilà voilà voilà maam lolou après yene parce que lolou bu amé rek dara jilé ci vous et cetera bon donc yi moy lan moy li aju ci walu lan ci walu rendé moy ahliya moy ci koy rendé na mat la ko wara dafa wara do ko habilité ñaarel bi mom moy ni tuddu tour yalla ak outil bi mais amna yo xamna exception comme tay bu may reub li ñuy reub ñom mën nañu tuddu tour yalla reub ko sanni ko jam ko rek manam même bu ro rendi wu ko dako jam rek mu daanu de lol baax mais il faut que outil bi koy jam nek lan lu ñew bu ko mu nek lu ñew ce qui veut dire que buma yoré pistolet bal il faut que bal bi meuna nek lan lu ñaw luy dugg mais pas lu koy lu koy lu koy lu koy souffrir lo rek wala électrocuter ko wala mu nek lu koy lu koy étouffer wala lu koy dor comme lu koy assommer kessé mu baña nek lool mais il faut que bal bi ñaw dugg ci bir leena tam mën na yoni xaj ni ko demal xaj bi bismillah gis nga même xaj bi lamay tuddu tour yalla sino suma ko wax suma tuddu tour yalla ne ko mu dem bu leke bu ñewé mat ko mu dé bu ñewé dagalu baaxu il faut mu tuddu tour yalla motax importance tuddu tour yalla xaj bi il faut mu nek xaj bu ñu jangal bu n'importe quel xaj ha bu mo gisse benn wax xatale ne alors minou wala meda acca rek mu daw ngank delu ci te xat bi dama koy doga gis dama baxu no wala mën na dem tamit fekkene dafa dem commencer ta lek tamit dafa haram baxu parce que li yende bi wax salatu moy amana bopam la ko lan wala reubal voilà donc lolou yef ay lan la ah ay condition la baxna ay legui ñu ñew kon ci bu fekente ne med la xalaf ye rahmatullah alayhi ñom dañ japp ne med lepp lu tukki ci mom lepp lu joge ci med lan la lap la voilà non med c'est non ça c'est wala mayit wala maytatu voilà ta bi benen bi ta mar bo tala voilà ça beti res ta mar bo tala ok voilà donc moy med wolof moy wax med deng nga legui kon manam med bi kon dafa lan ha lek lu joge ci med dafa ci xaraf ye rahmatullah alayhi mais sen bir dañu wouté d'accord nañ ci né manam comme karaw yi hein de djini manam lepp lo xamné dal ñom yoy grawul wey et cetera yoy ñom amuluñ ko problème ñom grawul pour ñom comme ni nga xamné non lañ ko lané won non lañ ko gissé won ci ban hadith amna hadith ñu ko gissé dé hadith abu waqid al-laythi radiyallahu anhu lu mo xon ma quti'a min al-bahimati wa huwa hayyun fa huwa mayyit ok ma quti'a min al-bahimati wa huwa hayyun fa hiya mayyit lepp luñu dagge ci li dundu buñ ci dagge fekk mom muy dundu lolu med la buma fekke am xar muy dundu ma dagge gien gi wala ma dagge tank bi wala ma dagge nopp bi lolu ma tey med la mais ñu niñ ko gisé comme niñ ko yaatalé won ci fofu ci wouté yi borom xoy wouté rahmatullah alayhim ñom niñ ko gisé moy lan moy né li tax ñuy wax moy li dundu mais li nga xamantene dafa jokk mum te dundul lool boole wuñ ko ci moy comme lan bejjin yeek lan karaw geek weyé et cetera dunku yi budé ñi ndanaaw yi la manam dunku yi hein voilà donc comment plus Voilà. Je vais dire ça, là, on le sait d'accord. Voilà. Voilà. Donc, pour Ndianaoui, c'est un truc qui est avec Lola. Ñom loolu lañ ko jappé comme ñom yoyep dañ ko japp mais yoyé d'accord nañ ci yoy Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi d'accord na ci ak as-sahibani voilà as-sahibani ñaari and ndo yu makki moy ñu ci do sank Imam Abu Hanifa d'accord na ci ak ñom mais fiñu d'accordul ak ñom moy lan moy Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi d'accord na mom dafa japp né med même mew mi ak manam duñu lek ya ko motax ñu wax ak li nga xamantene mom moy li nek ci biir manam day nuro ko mew na amna nuñ koy waxate lo xamantene day waral ñu mën ko jël pour def ko def ci fromage hein def ci fromage yoy yep pour ñom amul problème manam pour ñom graw mais ñaari andando ñom dañ japp ne graw lolu labul lolu mom motax li gëna maadu ci ñu wax ko ci mazhab hanafiya rahmatullah alayhim moy ne li ëpp ci ñom parce que ñom bu sax ñaari andando yi suñu wuté ak imam bi waxu ñaari andando yi lañu jël bayyi waxu imam bi voilà motax motax ñom luñ wax motax hanafiya rahmatullah alayhim kon ñom différenciation bobu lañ def kon mais japp nañ ne nen bi feek nen baangi deugër manam amna xottu bi ci med nen bi bu amé xottu bi graw baxna batay lapna deng maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ne ñun d'accorduñu ñun xam nga lan lañ wax med lepp lu med madama xesna ba nek med lepp lu nek ci biiram rek dafa sobe lepp lu nek ci biir med rek sobe ha lepp lu nek ci biir med lan sobe la c'est à dire que bu xesse ba nek med rek amatul manam même pep karaw bi gëna kawé ci pep karaw bi sobe la parce que xesna ba nek med lepp sobe la ci mom lepp lu joge ci mom moy nem yek manam mew yep lu lepp sobe la ñettel bi mom moy waxu shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi mais ñom ñaar am nañu ñu wuté tout shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañ japp ne lepp sobe la bamu dess nen bo xamantene dafa lan hein dedet dafa yaq bien sûr waw mais manam nen go xamantene xott bi mi ngi ci voilà fermé la xott bi deugerna ñom dañ japp ne lool dafa lan ah non dafa lap lool lap na mo xam bu luy dund la wala bu lu de la hanabila yi rahmatullah alayhim ñom tamit lepp ci ñom sobe la bam dess nem bi nga xamantene xottam mi ngi ci deugal parce que yoy ñom dañ japp ne bu fekenteene nen bi la te xott bi deugal na moy ne constitué wu na ba pare et que kon différent na wouté na ak jëmmi li nekkon ak mbir manam mbir mi ci bopam li nekk med ñom non lañ ko jappé hanafiya rahmatullah alayhi li tax ñom ñu am seen mesure bi li tax ñu japp ko moy ñom dañ considérer ni nen bi nga xamantene moy non dañ considérer ni li med bi comme karawi من ومن أشعارها وأوصافها وأوبارها متاعا فلا ما نم أثاثا ومتاعا إلى حين ما نم نبرم سبحانه وتعالى فأخني لب لو حبت ندفع جوجتي كراوي أك لينه أك ما نم دمقي yoy yep borom subhanahu wa ta'ala daf ko mettre à la disposition nit ni mu nek lo xamantene lu dagan la kon comme que mbir mi non la démé nak ñom lolu amul différence entre animaux bi di dund ak mu dé pour ñom lolu amul ci différence gis nga ñom c'est transformation lolu la benen bi ci dess mom moy am ma mew bi moy yukhridu lakum min bayni farsin wadamin labanan khalisan sa'ihan lisharibina mom la alquran wax neena alquran neena digeunte deret ak seberit mom manam fi mew di joge ci bopam buñu ko xolé ci bir bi lay joge and ak contact bi mu am ak bir ak deret ji ak yoy yep gis nga lolu mom moy motax imam abu hanifa rahmalahu japp ne deret ji baxna ki bi mew mi baxna manam mom dafa japp ne comme que mew de toute façon fi mi jogi manam likoy composer original bi origine bi yep ñun dañ koy considérer comme sobe moy fi mi genné ci biiru nit mais bu genné nek mew neex te sel kon motax ñom ñu japp ne problème amu ci manam kon latna té lolu tamit amul différence entre muy dund ak muy dé mais ñeek na ñom ñoy yenen ñoy ñaari andando yi té kon mom la mazhab hanafi rahmatullah alayhi di dëgeural fofu moy na amna touti différence entre ni réew différence bi fan la né moy ñom dañu japp né sëñu da ngay espoir hein da nga ndam wéñu denga denga legui kon kon fi mew di genné yépp kon dafa soppé kon motax ñom jappuñu japp différence bi alors que ñaari anadoy kon lu bari ci mazhab hanafi rahmatullah ñom tamit li nga xamantene mom moy différence biñ am fofu ak sen imam moy né ñom dañ japp né mew mom mën na nek soppé quand même mew bob mën na nek soppé lutax parce que da fay toy ak li nga xamantene mom lañuy ci lañuy jëlé fromage bi lool tamit da fay dafa toy dafa am contact direct ak bir bi té kon comme ñom comme bir mi medina ba paré lool tax du baax bokk na tek ci li nga xamantene mom lañuy testelo aussi moy le fait que sahaba yi radiyallahu anhum biñu débé pers biñ ko dogo ubi dañ dan lek ci fromage dañ fa doon défa ñom dañ ko dan lek té xam nañu né ñi daan rendi ñi daan rendi xari ak nak yi gëlem yi tax ñu mënon na gënne fromage ñoonu ñeneen daan rendi ay yéfer lañu won jamono joonu wala bok dañuy doga tu dañuy doga tu bu boba yeneen borom xoxam rahmatullahi alayhim liñ leen di tontu mom dañ na leen ah det gaay ñun d'accord parce que ñun au moins mën nañu d'accord comme maliki rahmatullahi alayhi ak ñeneen ñi dañ na au moment où mbir mi medd na lepp luy medd manam alquran mo ñu tektal ne medd ci jëmmi bopam dafa haram te sobe la ba pare dal wax na fa innahu rijsun ndax sobe la comme ni mu waxe qul la ajidu fima uhiya ilayya ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzirin aw daman maskuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun manam kon mom mo tuddé yoy nga xamantene moy déré ak médd ak sangara mom mo lan tuddé lan sobé kon ci kaw lolu yoy nonu ay sobé lañ comme nak mom sobé la kon lay gémé ci mom sobé la amma rendi gi ngén ñu tektal rendi gi ngén ñu wax manam ay yi ngén tektalo ci wax nanan len yek donc yek et cetera yoy moy fek mi ngi dundu fek mi ngi dundu waye bu ko sey ba de lolou taxatul ñu wax quand l'animal est vivant on avait dit si l'animal c'est une souillure qui sort de c'est une souillure voilà si l'animal on peut le manger etc. Donc ils ont fait ce raisonnement là mais là le raisonnement c'est pas le même en fait. Non, quand on parle là, on parle des animaux donc il est licite de manger quand ils sont devenus, quand ils sont morts, de manière, c'est-à-dire de manière naturelle ou non conventionnelle, religieusement parlant. On parle de ces animaux-là. On parle pas des animaux qui dont voilà, la viande n'est pas en fait, ce que je veux dire, c'est que quand le raisonnement qu'un affaire, ils ont fait pour l'animal qui est un adulte, ils ont fait quand l'animal est vivant. Oui. Si on applique Si on applique ce même raisonnement-là, en se basant sur le Coran qui dit que si c'est Maïta à tout, alors c'est une figure, alors ça devrait donner aussi une figure ce qui sert. Oui. Non, voilà. Effectivement. Effectivement, c'est une question qui m'a beaucoup intrigué, mais lolu, c'est que ils ont différencié. Hein. Ils ont mis une différence. Ils ont fait une différence entre l'animal qui n'est pas licite. Qui n'est pas licite et l'animal. Qui est licite, donc l'animal illicite et l'animal licite. Mais ils ont aussi fait la différence entre ce qui sort comme, c'est-à-dire ce qui sort de la viande. Parce que pour eux, les crachats, les morvures, la sueur, etc., provient de la viande. Donc eux, ils parlent là de la viande. Mais ils ne parlent pas des cheveux, etc. Ils ne parlent pas de ça, mais ils parlent que de la viande. Donc ils ont fait une différence entre la viande par exemple et la corne par exemple, parce que la corne n'est pas contaminée par cette souillure qui provient de la viande. Quand tu dis la viande, tu veux dire la chair. La chair, oui. La chair, c'est quand hein? Là, quand... Non, est-ce que tu vois la différence? Il y a une différence, c'est effectivement. Parce que moi-même, la question que je lui ai dit, ça m'a intrigué. Non, pourquoi est-ce que je veux considérer ça? Là, je veux faire considérer ça. Sauf que... Mais... C'est comme si c'était illogique et que leur logique dans le même temps pour nous qu'on a une corde. Par rapport à leur logique à eux. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas une contradiction. Alors que, non, après là, ils trouvaient réponse. Mais en fait, ils donnent une différence nette. Parce que soit on sait théorie, différence nette que nous avons entre ce que vous savez, d'une part, c'est la et l'ilabul. C'est l'animal qui est la et l'ilabul. Ñaarel différence biñ def mom moy différence entre li nga xamantene mom moy suyuri manam moy suyuri moy ñak yi ñandaxit yi tufli yi xaxtandiku yi yoy nga xamantene ñom dañ japp ne li tax ñom ñu japp ne dafa sobeu mom moy dafa genné la ci yap bi dafa genné ci yap bi ñom loolu lañ japp dañ japp ne comme ci yap bi la genné ñun dañuy def différence entre lolu ak li nga xamantene lolu amul rapport ak yap bi, c'est-à-dire ñoy karaw gi ak lan ak bejjen yi ak wey yi ak yu mel non am nañu différence yoy ñom ñaar dañoo wuté. Voilà. Comme ils disent que ça c'est pas une souillure, c'est pour ça que quand un animal meurt, exactement. La chair de l'animal c'est l'équivalent de la corne, de quoi, etc. Ça devient le même statut. Que la chair de l'animal. C'est-à-dire que quand l'animal meurt, on considère que la chair de l'animal elle prend le statut de corne, etc. Non. Quand l'animal meurt, pour nous c'est une souillure. L'animal en tant que tel c'est une souillure. Mais ce qui n'est pas une souillure pour eux, c'est ce qui n'a pas de rapport. Parce que quand on parle, attention, quand le Coran parle de souillure à travers ce qui n'est pas consommable, hein, par rapport à ce qui n'est pas consommable, c'est justement par rapport ou strictement et exclusivement par rapport à la consommation de la viande. C'est pour cela quand on dit que le mort naturel ou voilà, mon ligne mid, c'est quelque chose de d'illicite, c'est par rapport à la consommation de sa viande. Voilà. Mais le vivant en tant que tel, c'est pour cela qu'il considère que beaucoup de savants, comme nous l'avions vu, considèrent que ce qui émane ou bien tout ce qui est vivant est licite ou plutôt est pur. Voilà, tout ce qui est vivant est pur. Donc, et n'est pas impur et n'est pas une souillure ou une impureté. Lors du moment où nous avons nous considérer l'autre. Donc il faut que nous fassions différence, hein? Voilà, si on dit que le mirde est haram, ce qui est haram, c'est le lek. Le lek, c'est le haram. Donc ce qui fait que nous, c'est le haram, alors que les gens ils se disent que non, il y a une différence quand même entre ce qui est le haram et ce qui est le haram. Il y a une différence quand même. Parce que nous, les Japonais, moi, je ne sais pas, c'est quand il est vivant que le Yé est là. Mais si nous sommes là, nous devons être bien le mérite de Kessé. Alors que les Japonais, les Japonais, le mérite de Yé, c'est Kessé. Et que comme Yé, c'est le seul qui est sauvé, donc pour nous, c'est le seul qui est sauvé, c'est le seul qui est. Voilà. Si on parle de mérite, c'est la différence entre les enfants et les autres. Voilà. Parce que derby, derby doit avoir un contact direct avec l'acte. Alors que, si on regarde le carreau, vivant, gisul nañ ko li nga xamne mom la comme ni fuqaha Omar Kher sallallahu alayhi wa sallam wax ak xawna bi lay rahmatullahi alayhi dañu différencier won entre lu important la dañu différencier entre animal bi yi sax ci mom li nga xamantene mom moy am luñu tuddé hayat ruhiya ak hayat numu manam moy li nga xamantene dafa am une vie bi nga xamne ruha koy waral manam vie bi nga xamantene. Voilà, parce que c'est un être animé. Et vie, bien à maintenir, d'après ça, comme végétation, comme la végétation. Pour nous, car oui, ça tient ou alors tu y es un animal. C'est une vie comme végétation là. Maintenant, c'est une vie, mais d'où vie, bien à maintenir parce qu'ils sont animés. D'où c'est un acte de vie aussi. Comprends? Ça pousse. Ah, de pousser, mais comme végétation, de pousser. Ça pousse et pourtant, à un mot. C'est pas. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Hein? On a une différence. Ça vit. Ça vit, mais pas. Par exemple, tu amul lu par exemple mo amul ay day dafa am lu koy metti wala dafa li wala amul lolu amul voilà contrairement à ce que comme tay par exemple karaw gi tay buma ko dagge bi ni du metti suma dagge sama karaw ni du metti xam nga sama wé suma ko xolé ni du metti on est d'accord donc ñom dañuy pousser par une vie certe mais la vie là n'est pas par rapport à vie ou route bi nga xamné deret mo koy waral et cetera donc ñaar vie duñ ben contrairement ak tay yakh buma ko damone day metti contrairement ak tay sama der bi suma ci doore dara wala ma xoss ko wala ma dag ko day metti alors que wew bi bu meuna dag ben parti wew bi duma ko xiyek nit meuna ñew dag sama karaw dem té duma ko yek. Surtout pour les carreaux qui sont très bien. Parce que les deux vies, les deux éléments qui sont de vivre, les deux vies qui sont de vivre, ils sont de vivre. Voilà. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait cette différence. Le hadith donc, se base pour passer du coup de l'illicite à la pureté en fait. Ouais. ce hadith-là, c'est celui qui est ici, c'est ce que tu dis. C'est quoi le... Là, il passe de l'illicite à la pureté. De quoi? Les anachites. Oui, sur quoi? Il se base sur quel hadith? Sur quoi? Pour dire que ben, même si le Coran a dit que c'est illicite, nous, les cornes, les poils, ça c'est pur. Oui, ça c'est un verset qui est dans Sourate An-Nahl. Voilà. Voilà, donc. Vous les humiliez maliquement. Voilà. Voilà. Ñom ñom liñu wax moy lepp sobe la. Lepp sobe la. Yoy yep luy joggé ci lu dé rek, lu dé xusba dé, li joggé ci mom sobe la. Mais der bi ah, buñu ko lané, wulé. Mais xalafiyé rahmatoullah alayh, mais attention, Maliki lan lañ wax ci der ñom? Da lol par contre yakarna mom di ngeen ko xam malike liñ wax ci der buñ ko wulé malike rahmatullah mais lutax parce que lañ japp lan d'abord que ni lan mo lap ci bir Ah. Non. Deugla. Buñ ko wulé. Voilà, buñ ko wulé ci bir mo lan. Mo sobeu. Mais biti bi mo lan. Mo la. Ce qui veut dire que meun nañ ci lan. Meun nañ ci julli. Motax ci kaw der bi ñu ci mëna julli ci kaw. Pour ñom. Manam tay der bo bu mako wulbeete pour maliki bi munuma julli fofu baana mais amna luñ ci tek moy li nga wax man nañ ci def lu lan lu waw waye munuma ci def lu lan toy bamou dess lan ndox lutax okay parce que ndox dafa am capacité de défendre bopom ndox rek mo am capacité bobu D'accord. Par exemple, donc l'olota, d'abord, sauvez-vous. Poali, sauvez-vous. Non, parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est On ne voulait pas te lécher, c'est pas grave. Pour nous, moi. Pourquoi? Parce que les gens nous disent que mes deux mots m'ont sauvé, mes deux mots haram, donc moi, mes deux mots sauvé. Et que contrairement, cela veut dire que les gens nous sauvé. Vous voulez dire? Lolu mom motax maliki rahmatullah alayhi ñom par exemple animaux yi nga xamantene kenn du len lek pour ñom sen der man na lap mais sous condition lan bonne condition sen der mën na lap sous condition lan sous condition ñu rendé ko ñom der la yi nga xamantene kenn du lek sen yapp comme bam deram meun na la sous condition ñu rendi ko parce que dañu japp ne tout simplement que liñu rendi mom day tax mu meuna lap manam day tax mu yor batay atay luy dund parce que lool mom motax xar mi suma yoré am xar suma ko baye mu dé wala mu door ko assommer ko bamu dé wala mu masque courant bamu dé met lay don bu xese ba nek met day nek sobe alors que bu moko rendé ci yoonu sharia day la daga na lek mais mbam bi comme dafa harama lek suma ko rendé day continuer di lap ndax ni comme bi mu don dund sauf que dafa haram ma lek yap bi tout simplement der bi xamul lo ko doy deru ba waw nga defar ci vest sol ko wala nga defar li sa sac bi bo moy tour deru lan la non mais on peut pas revenir sur des questions yo xamantene on a traité retraité parce que sinon on avance der wax nañu lela der buñu mënti wul li yenente bi wax salaam ayyuma ihabin dubira faqat tahura bepp der bo xamne murli nañ ko rek day dapp la mais dañ doon wax rek position maliki rahmatullah ni ñu gisee man seen logique pour ñu top logique rek c'était juste pour ça que ni ñom dañ japp ne der bi lan non pour ñom der bi biti bi mo lat mais pas bir bi parce que bir bi dafa am contact ak lan yapp bi mais der attention amna ben affaire bu am solo bu ma rendé am xar der bi mom ma rendé ko bu mako fessé djel der bi même suma ko wulli wul lat na buñu wax wulli ak ñak wulli moy deru mid lañuy wax mais pas deru liñu rendi ci yoonu sharia lolu mom labda ci sur voilà lolu kenn rek mo ne labu kenn kan la imam zuhri ah ma sha Allah antira az-zuhri wala na yo xamna de chaque jour dina wax ñu lay tatte ci lan moy ki len dalil hein ni tamane mo wax lo imam bi non parce que med la rek mom pour mom med la du lab labul ngum ka rendé wa ah non pas lu ñu rendé non luñu wulli la wax luñu wulli ak luñu wulli wul pa luñu rendi ak luñu rendi wul voilà pa luñu wulli ak luñu wulli wul voilà mais boudé rendi dañ ko lepp lap na kok ijma la voilà ay wa mais sous condition que ñu lekk yapo sino buñu lekk yapo mu wuté nañ ci tamit ay wa légui kon ñal ci Hanabi lay rahmatullah ak Shafi ñoo wax lañ seen masaf no oui voilà donc la question donc c'est voilà donc ce qui veut dire que effectivement comme que medde day dal sobe comme ni afan voilà wa et que amana voilà ala kul hal lol tamit masala ittihadiyya la mahda mais c'est ta ittihadiyya la quel ku nek solo texte yi mi nga xam tan non deugue kon ñu yam ko inshallah taala bu jotay bi di ñew dañuy gis inshallah manam dañuy delu ci wat mbam comme ni hadith wax mbam ak ci yeneen masala yi nga xamantene ñom ño xew bisu khaybar manam masala yi nga xamantene masala fekk la yo xamantene xare khaybar ci la masala yoy juddo inshallah taala kon ñu yam ko wallahu taala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh légui ma ñëw ci question yi question bu ñëk bi ki dafa laaj ndax mën nañ jëfëndiko li di jam yi nga xamanteni wala bu igi yi joggé ci ñu wax ay signal saw wala ndax mën nañ utiliser li nga xamanteni moy yaramu ay jaar bu def ci ay sax wa lolou gisson nañ ko masala la bo xamantene masala wa yoyu meuf nañ leena jëfëndiko ci li nga xamantene moy li gëna deugër ci waxu borom xoxu rahmatullah alayhim ci waxu ne ayyuma ihabil dubi faqat tahura manam lepp lo xamantene luñu wulli la té manam bëpp der bo xamné dañ ko wulli rek day daldi la mom day daldi la manam kon der buñ ko traité quel que soit l'origine der bi dañ dafa daldi la dañ koy daldi mëna jëfëndiko ndax hadith bobu mo xamné ay dafa ni kullu ihab kullu ihabin dubi faqat tahura der bo xamne dañ ko wul boba latna ayyuma ihabin dubigha faqat tahura ci benen riwaya fa hadith bu nek tax imam muslim ak ci sunan yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne bepp der bo xamantene dañ ko wulle rek dafa dal di nek lo xamantene dafa lap lolou kan ni ci lolou yi nga xamantene ñom ñoy jenne ci moy saw yoy ngay wax yoy nonu ay mbir la yo xamne dañuy jenne ci lu dund wala bok te bobo fekk na ñu genn ñu am manam fi ñu nek lo xamantene ñom manam moment bi ñu genné ci ñom comme wéy ni ñu genné ci comme ni ñu genné wéy yi comme liñ wax sank ci wéy wala bijeun wala yu mel non yoy tamit dañu nek lo xamantene dafa la Allah ta'ala aalam légui ñaarelu question bi ki dafa bëgg nga fatali ko li nga xamantene moy moy taxawayu hanafi di ci lepp li nga xamantene day genn ci waye question ci medde ci medde wax nañ ko leg ñom lepp luy genné ci medde ñom dañ japp né sa manam dafa la ñom lepp luy genné ci medde dañ la japp né dafa la li nga xamantene mom luñ ci wouté seen biir mom moy li nga xamantene ay lu do bénéke méw mi la manam li nga xamantene dal bu ñu xotté biir bi ba fess ko li tay gemé ci yi nga xamantene amul rapport ak meme wala amna rapport ak manam deret bi der gi ak deret bi wala jaxoso nak mom wala jaxoso wul mom loolu lañuy wuté waye lene loolu loolu wuté wuñ ci ne ñom latna loolu mom moy seen mafa wallahu ta'ala a'lam legi ñettelu laaj bi ci mo ngi laaj ci suñu jamono ana ban sarax moy don sarax bi gën khalis wala lolu yep lolu da fay aju ci jam ci zone géographique bi wala day aju ci zone géographique bi comme tay masalan tay bu fekete ne da nga dem ci ben deuk all bo xamantene wala de fa rouqué ñoñu bo len sarax nga sarax len ñam mo gën ci ñom ka nga sarax len xaaliss parce que xaaliss bi ñom daanako duñ koy faral di jëfëndiko waaw su fekkante da nga nekk ci dëkk yi nga xamantene ñom ñoy village dëkk ville yi ñoñu nga jox len xaaliss mom moy li nga xamantene mom moy gën ndax lan ndax tout simplement ki la moy sénégal ki seen soxla yi ci loolu lay aju seen soxla yi ajuul wala lolou manam tay fim toll wala sen soxla yi day gëna aju ci xaaliss bi te que sen soxla yi xaaliss mo koy fat souvent du ñam mu kessé te benen affaire mom moy ñam bi mëna jënd xaaliss manam xaaliss bi mëna jënd ñam bi mëna jënd ñam ñom bi ñu bëgg té ñam bobu ñu yor ñom mënu ñu ci jënd xaaliss manam mënu ñu ci amé ben xaaliss ce qui fait que nit donc lool mo motax dafa relatif selon fan nga nek et cetera mais li nga xamantene mom moy li gën ci li ni sarax ci lu ñu joyal comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax moy ndox mais loolu tamit dafa nek lu relatif selon époque comme par exemple Lyon saraxé ndox amu fi njariñ mais voilà après mu tek ci tandarma mais yoy yeb buñ ko xolé dañuy gis na dafa relatif c'est à dire que selon zone géographique mom dafa waxé selon zone géographique mais tay par exemple mais ci luñu joyal de manière générale effectivement ndox mo gën mais parce que lutax parce que 5% de la population mondiale kessé ñu am accès ci ndox ñoo kessé ñu am accès ci ndox ce qui veut dire que yow bo bokké ci ñi nan ndox mëna nan ndox tous les jours xamal nit ci ñi yalla tan daral len loxo nga bok lool xam ko voilà légui kon de manière générale saraxé ndox mo gën de manière générale saraxé ndox mo gën voilà fañ ko soxla lool la la wax né motax man la dafa relatif lutax parce que fi par exemple Lyon saraxé fi ndox amul valeur wala d'ailleurs koko jox sax bobu day bañ wala Lyon Dès qu'on le sait, dès qu'on le voilà, de faire forage, voilà, dès que tu village, de faire le forage, etc. Nous sommes de manière générale. Maintenant, selon la géographie, comme des couilles en par exemple, vous faites que un investissement avec nous, vous avez un hôpital Mougan. Donc tout dépend de ce qui est là, c'est que vous tout le temps dans une zone géographique. C'est ce moment-là, un bureau de sauver vous, à théorie, de sauver vous selon l'époque, à zone géographique. Allah Ta'ala, Allah. Parce que là, par exemple, à la fin du temps, quand on dit après le monde, on dit on se base quand même sur du riz, etc. Parce que c'est la zone. Mais du coup, là, tu dis, oui, mais en fait, dans certaines zones géographiques, ben, parce que finalement, si on dit dans le même raisonnement, on reste sur la zone, alors on continue à donner des eaux et des dalles. Donc, voilà. De quel raisonnement, enfin, tu pars d'un raisonnement, tu dis, ben, en fait, la zone, c'est ça, mais c'est plus utile aujourd'hui. Mais quand c'est la fin du ramadan, on ne fait pas ce raisonnement. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, fin de mourum corps, le mourum corps, sallallahu alayhi wa sallam, dafa ne raison bi tax. Dafa ne pour nit ñi, manam ñi nga xamné ñoy pauvre julli ñi ñu lek. Pour ñu lek la. Et que pour mu lek lo xamantene dalay label, manam dalay sétal. Lool moy raison bi tax. Manam pourquoi li nga xamantene mom lañ la téré won ci biir wéru koor bi mom moy lek ak nan donc li nga xamantene mom moy li ciosano ci lolu manam lek ak nan lolu lañ la neung ko guenné pour mouru koor ci ni ñi dundé ci dëkk bi lolu mom motax yi nga xamné mom la imam mom la yentibi sallalahu alayhi wasallam doon wax ñom tandarma ñom blé ñom ki mais lolu tax day aju solo dëkk bi. Par exemple, amna deuk yo xamantene ciek la fay genn ni mo gën fofu parce que ñom ciek lañu lek ko ko jox tandarma ñom buñ ko añé alors que medina tandarma dañ koy añé lolu nak différence bobu ñu tek li tax ñu mën ko tek mom moy ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam masalan tay motax yeen ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam tay masalan bi nga xamantene mom la japp usara bandari mo prisonnier de guerre wa yefiru makay biñ ne len jappé badal ñew indi len tak len indi len fi ci medina par exemple wa medina ñom wa medina tandarma lañ doon lek mais comme wa makka xamuñu tandarma ñom du lek tandarma ñom dañ leen reyandal ay rendil ay xat di leen misuul di leen dox parce que ñom yap lañ xam donc lolu voilà parce que lutax lolu day wone ni manam di samonté aussi zone géographique bi dafa am solo ci mais dans la mesure de manam de li nga xamné mom la sunna wax lutax moy mourou koor dafa am lo xamantene xam nañu ne saraxela azakal comme genre motax zakatul fitr lañ ko tudde xef azakal mais azaka bi nga xamantene mom moy bu mak bi amna luy tudde zakatul mal moy azaka bu nga xamne moy bu mak bi li addu ci or ak khalis dañ ko daan gemme ci jamono yentibi sallalahu alayhi wasallam te yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa waxone or ak khalis manam ci azaka dañuy xamne manam moy 1 manam moy 25 pour 1000 lañ ci gemme lolu donc xamul nañ ko bu fekkenté nak yentibi sallalahu alayhi wasallam cause bi woron tax ñu joxe khalis période bobu té mom moy azaka fitr azaka bobu zakatul fitr cause bi woron tax ñu joxe or ak khalis mi ngi fi won té pourtant joxe wul waxul né nañ joxe or ak khalis dafa né bu kenn nañ joxe rek ñam lool moy wané ni kon mënu ñu bayyi fi ñam bi di joxe khalis par exemple pourquoi parce que cause bi parce que il y a toutes les raisons pour ñu mënu joxe khalis. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous faux. Parce que tout simplement, nous avons dit que nous avons dit riba. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ci yuru khaybar ci at ci khare khaybar le acte bi guenné mais exactement c'est à dire que comme que yentibi sallalahu alayhi wasallam xamone ni ora nga fi khalisa nga fi riba ci ora khalis lay am wala bok def ci am mu wax ñu gis ni azaka bu mag bi dañ ci genn ci ora khalis d'ailleurs mom moy première catégorie bi catégorie bi gëna mag moy ora khalis mais ci zakatul fitr mu ne mu bay yu yep daal ni joxe len rek ñam parce que tay dañu bëgg ñi lek et que nañ joxé rek ñam et que nañ ko joxé bala nit ñi dem julli ji ba paré mu joxé ba paré mu tomber que ni koor gi liñu la téré moy lek ak naan kessé lañ la téré mu ne kon nañu joxé ñam bi donc lolu ci lañuy xamé ni cause yi manam ci lañuy xamé ni munuma bayyi fofu ñam bi di dem di joxé xaaliss bi munuma ko wa ci xaaliss bi parce que bu ñu expliquer xaaliss dafa mel naka yow xaaliss en tant que matière bi lay wax voilà xaaliss en tant que matière bi lay wax mais lolu nonu acte xaaliss en tant que matière dafa dem en tant que métal voilà or et argent dafa yor une valeur fiduciaire c'est-à-dire que valeur le bo xamane bimu yor moy valeur luma meuna genné man tay jariño manam man tay jëndé voilà lolo tax ñu tuddé len ak nak day ni ñaar yi nga xamantene mom lañuy wéccé di jëndé bu may jënd dara moy cours d'échange voilà moy ak nak day ni mom moy or ak xaliss. Voilà, donc maintenant selon la période, les changes effectivement, comme les euros, les dollars, CFA, etc. Voilà, mais voilà, donc, mais à la couleur, voilà, il y a qu'un an, nous comprendrons. Alors que, voilà, donc comprendre ce raisonnement par rapport à ce Zakat, etc. Maintenant, par rapport à ak sarahe bi ni objectif bi nekul rek nit ñi lek wala nit ñi naan wala nit ñi dara mais bo xolé yeralti bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne sarahe li mo gën parce que dafa samonté ak li nga xamantene mom la gis ne loolu la nit ñi gëna soxla donc c'est à dire que c'est comme si dafa wax ne comme ndox la nit ñi gëna soxla parce que ndox c'est la chose la plus vitale bi ñu joxé parce que air kenn ko joxé ndox rek lañu joxé mais air voilà et que comme que ndox mom moy li gëna vital li ñuy joxé dafa ni kon li gëna vital li gëna am solo ci nit ki mom sarax ko ko mo gën maintenant lool day am sens su fekkenté ni nit ki dafa soxla et que nit ki su ko soxlawul doot abati sens voilà lool mom motax ñu def différence bi entre azaka bi entre zakat fitr bi ngay wax ak sarax bi nga xamantene mom la yenté bi sallalahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ta'ala ha fi ki sarax fi khalis de nit ñi soxla do nit ñi sox en fait zakat fitr non zakat fitr nit ñi ah mais li nit ñi di dundé kibi parti wala or ki orji wala couscous wala tiem oui wa ba paré zakat fitr kenn du ko jox ku dul julit Mais c'est une convention. Buma defé ni ñenti ce qui veut dire que on le mesure en volume et non en kilo kenn duko mesurer ci ay kilo mais ci volume lañ koy mesurer à peu près donc ça va faire environ 2 litres on parle de litres 2 litres 80 environ lolu su amé 2 litres 80 ci couscous ak 2 litres 80 ci semoule ak 2 litres 80 ci tandarma ak 2 litres 80 ci tiep ak 2 litres 80 ci dugub ak 2 litres 80 ci blé ak ma yoy yep tolo wuñu valeur kon mënuma nat mbir mi ci xaaliss bo xamantene dama nan la parce que valeur 5 euros bobu ci lan la jogé et que malgré inflation bi 5 euros ba tay mom mo fi taxaw parce que man je me rappelle depuis 10 ans ba légui 5 euros lañ wax mais voilà et que donc 5 euros bobu ci lan lañ ko naté voilà maintenant lolu moy su fekkontene raisonnement bobu djub na mais ñom raisonnement biñu djub biñu tégg mom moy né manam moy dañu deful différence entre voilà moy ni li soxna ci question bi mu posé ni c'est à dire que ñom dañ japp né rek comme nit ñi li lañ gëna soxla kon lañ def lolu alors que non parce que cause bi waranta xolal tay par exemple djulli et dulit dañu woni ñi ci jumaaji wala ci place publique bi mais kenn du noddu Te pourtant il y a toutes les causes pour ñu waral mu nodd ndax julli dañ nit ñi pour ñu wo nit ñi ñu new dajo gaaw ñu julli heure bi ñu julli mais kenn du nodd lutax parce que yeen salama ni la ko diglé c'est-à-dire que benn jaamu yalla bu spécifique bu ñu wara défé ni ko yenté bi jangalé sallallahu alayhi wasallam ci moment bu précis lool mom motax mu am différence ak lo xamantene mom dafa nek jaamu yalla bu global bo xamantene dafa absolu ñuko man ko def ci moment bu nekh alors que bi dafa nek ci moment bu précis lo tax duñu nodd niki lool lool tax zakat fitri norm motax kenn du ko génné ci khalis c'est une chose bo xamantene c'est hallucinant en fait c'est plutôt nouveau et hallucinant aussi voilà tout simplement okay. Lool nak ça c'est lool moy à chaque fois ñu jël mbiri li yent bi waxon waxon nako de salalahu alayhi mu juk jamono non la mbir mi di debé c'est à dire que ñi xamul ñom ñoy jité nit ñi di len wax benen ko santane falé rek deul benen affaire non mais non non lo ko koy wax mom bu len ko la parce que dina amna tay bo len ko joxon gis nga d'ailleurs bo xolé jakké xam dañ koy récupérer mais nit ñi dañ koy jël ay ki buñu joxé ay pataki ci ba kay yoy nit ñi dañ koy jël wa amna jakk yu ko do nangu mais amna jakk yu koy nangu té ñoñu diko nangu amna ñu koy jox wala ben so non ba paré aussi nit ñi dañuy ba paré nit ñi di lañ am kuñ ko dox loolu c'est pas en fait je pense que xana nga dëkk quartier résidentiel dëgg mais sinon am problème oui d'accord am na ño xamné bo nga joxé taxna ba place di bois pour garamé soit sucre rek suma kenn mais boire sucre là boire sucre là ah mais voilà lolu mo problème parce que yow li ngay joxe non mais parce que dou len jari ak boire sucre xam nga le boko sara il y a 10 ans mais il y avait pas comme na jox non lolu mo amna waaw hein voilà alors que mourou encore man boma joxe ciep bi wala dugub bi man mën nako bañ parce que damay japp de soxlo moko et que ñiko soxla ñom après ñom dinañ ko jël mais boma joxe xaliss mais dama koy jël mais bien sûr ouais lool la lay wax manam c'est pour dire que voilà quand bon ko joxe da na ko jël non mais non c'est à dire que xaliss boko joxe kiko soxla ak kiko yello ak kiko yello yep mën na ci def alors que boudé dundou la kiko yello rek ko jël Voilà le miskin wa. Est-ce que mon nay joxe 5 euros yi wax? Voilà. Traduction. C'est ce que tu vas dire quand tu rattrapes des jours de Ramadan, quand tu vas mettre le mot en plus. Yes. Est-ce qu'il faut dire quoi? Non mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Si bumay Al-Qur'an lim wax moy et à mot taame aw no itaamu asharata masakina aw kiswatuhum aw tahlil rahaba bumay manam wala fa fidyatu taamu miskin wala fa fidyatu taamu miskin okay mu dama ko jawale wala gëna ay fidyatu taamu miskin manam moy lu ñam lañ wax comme alquran ñam la wax li gëna sam par contre fofu mën nañ baña dogu ci né doko mën mënoko joxe xaliss mais li gëna sam moy nga joxe ko ak ñam lool moy li gëna sam ci buntu bobu wallahu ta'ala lool amna ñukoy da comme hanafiyyi rahmatullah fuqaha hanafiyyi rahmatullah japp nañ né mew par exemple ak yaq mën nañ ko joxe lutax parce que dañ japp ne mew ak japp dundul la contrairement ak voilà ak yiko nekul voilà est-ce que mon nako jënd moy ñam ma jox ko par exemple ben orphelinat ne ay xalé ñoo fa nek comme là ils sont considérés comme miskins non miskin moy pauvre miskin moy pauvre voilà et que orphelinat nit ñi mën nañu riche parce qu'il faut faire une différence entre lool la ma amna kuma ko don laj tan yi est ce que meun nañu collecter asakaay jox ko ay daara senegal jox ko fay daara parce que lolu xam nga en fait mais lool munul nek lutax munul nek parce que asaka d'abord dafa am ben affaire bu ci ndik am moy asaka dekk bi nga nek nga koy joxe buma amé asaka fi ñoo duma dem ba paré difa joxe asaka fi yoyo la ko joxe ñaarel bi ci dess mom moy buma démé ci daara joxe fa sama asaka né parce que ay xalé lañ ja daara la daara amna ño xamantene boromi alal lañ ñuko indi seeni dom ñom tamit amna ñu amul dara amna ñu am dara daño mélangé wu maintenant ñom ñep ñoy bok condition yi nekk c'est vrai mais amna ñu ci am alal am ñu ci amul alal am ño xamne seen alal dañ leen ko dencal ba kérok ñuy mag et cetera donc mënuma jël alal jo xamanteni miskini ñoko mom ma diko jox ay nit nonu rek sous prétexte que dara lay dundal bu fegeene da nga bëgg dimbali dara wala amna ñeneen tam ño xamanteni li ñu wax moy dama ko ñëwone say mbokk bu leen jox asak say mbokk xaaral bo leen de bëgg wala murum koor bi sama mbokk la leen koy jox samay mbokk buma len waré jox dara duma xaar murum ko ñew wala may xaar asaka ñew samay mbokk dimbali len dafa war ci man que asaka jot wala jotul ko murum koor jot wala jotul dafa nek xaal voilà donc il y a une différence lolou ki la bon benen bi ci dess mom moy ñi nga xamantene man ñom la wara dundal ñoñu la mënul dox asak ñoñu mënuma lañ dox asak nga xamne man ñom lay dundal tay par exemple mënuma dox asak sama soxna mais mom mën na ma dox asak mom mën na ma dox asak waaw suma ma nekk pauvre man mom mu riche man mané pauvre mom mën na ma dox asak non bokku ngo de sa borom keur doko dundal yow ku wala kan mom borom keur amugo man pauvre la sama soxna moy riche lol man nané wala non communauté de bien amul ben valeur juridique mais quand voilà. Nous, on a l'intention, nous, on sait par exemple que c'est Zatap Alfred, mais est-ce qu'on est obligé de dire, par exemple, si je prends mon Jonathan Mori, je vais le donner à quelqu'un, moi je sais que c'est Zatap Alfred, c'est mon intention. Est-ce que la personne qui reçoit, elle est obligée de savoir que c'est ça? C'est-à-dire que moi, ou bien même Zakat al-Mal, en fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis... En tout cas, je dis, seule l'intention compte ouais. Sur les actes. Mmh. Seule l'intention compte. Donc, mon gagne au rec, d'accord, mais attention, il faut que vous précisez quoi, l'angle est d'accord. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous savez, c'est que je parce que je vais me faire et ce que je parce que je vais me ah, on est obligé de dire c'est que... Non, mais bien sûr, la cause, ça diffère. Sarah là. Am Yalla Djokh là. Lol, Sarah là. Ce qui veut dire que nous devons m'en m'en. Yalla m'en l'a fait. Bah, Sarah m'en m'en m'en m'en Yalla l'a fait. Donc, Sarah là. Voilà, Sarah. Souvent ki yalwan lañ koy jox amna may don may ala ata amna luñu wax hadiya moy cadeau yi yep duñ ben voilà donc il faut mo wax amna lu ak azakay donc amna une différence parce que amna ño xamantene bo len maye dinañu jël li nga len may dinañu jël hadiya mais duñu jël sara voilà comment amna doit dire ya ye mais zakat par exemple est-ce qui est en train de plus compte non parce que azaka nit ki lañ koy jox c'est à dire que dafa am ñi nga xamantene ñom ñoko mom ñoñu lañ koy jox duñ ko jox kene lu yeb ay kilo manam ne way dañu ki gaay dañ dajal azaka pour ñu def ko ci projet bi lool baaxu même si nous avons eu pas Non, mais il faut nous comprendre la nuance de Azaka. Parce que il faut que il faut nous comprendre que Azaka. D'une fois, hein? Non, attendez. Il y a ordre de priorité. Azaka qui pauvre. Un pauvre, ça existe. Il faut nous comprendre que. Non, mais c'est que. Mais bien sûr. Mais il y a combien de pauvres en France? C'est des millions de pauvres en France. Mais il y a des travailleurs pauvres. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont au chômage, ils sont pauvres. Mais des pauvres, ça existe en France. Il ne faut pas dire que les mots pauvres, ça existe réellement en France. Voilà. Non, tout dépend. Non, mais en tout cas, Azaka, ni am, à la cœur de vous n'êtes, ou à de vous n'êtes, ni nous de cœur. Madame, nous me disons Azaka, d'ailleurs, vous me disons Sama Azaka, j'aurais quoi à Sénégal, vous me l'avez dit. Batay azaka yi genné ko dama ko wara joxé wat té pauvre yi wa dëkk bi la ko wara dox non mais si Non, mais 60 jours yoy ngay jël da ngay jël toute la globalité nga joxé ko ñaari sa ko ben wa il faut mu doon deux sacs de riz par exemple xam nga sagu ciép sagu ciép mo xam nga ni ko jox da na ko jël ah deux sagu ciép Non, Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Nit ku nek fimu nek bobu da koy jenné parce parce que dafa injuste. Dafa injuste parce que nga jël manam nga jël parce que ñom seen ay pou seen ay riche dañ leen dox. Et est-ce qu'on a le droit de... Tout à l'heure, tu as dit que certaines personnes ont refusé la... Mais en fait, en d'autres mesures, est-ce qu'on a le droit de refuser les emplois? Oui. Pourquoi? Parce que si pour des raisons différentes. Par exemple, si quelqu'un nous donne une aumône, oui. D'accord? Oui. Donc elle te dit, voilà, c'est une aumône. Mais yen. Mais toi... Yen de Galayave, voilà. Ah. Okay. Yeah. Et au nom de quoi on a le droit de refuser l'aumône? Parce que c'est comme si nous, on se dit que bah, nous, on n'en a pas besoin. Alors que peut-être qu'elle, à son échelle, t'en as besoin, en fait. Non, il y a plusieurs raisons. La pauvreté, c'est relatif à... Non. Et oui, d'accord. Mais il y a aussi plusieurs raisons. Surtout à notre époque. À notre époque, accepter des aumônes revient à encourir à beaucoup de risques. Parce que gars yi buñuy saraxé wuñu dir yalla ben lool ça c'est la majorité. Deuxièmement sarax yoy ñuy saraxé souvent ay xéetu ñeber da ci laqatu la sorcellerie et que problème yi mëna la atteindre donc vraiment wour ngay sax dang ko sarax surtout bu fekkante na dañ ko natt ci ay na wéx wala saraxel lu xonk saraxel lu lolou mom pour nga non ku ku yewu ci jamono doko jël voilà parce que tout simplement déjà liñ lay sarax c'est pas xam nga tay si c'était quelqu'un qui ku ñew saraxé sadaqa li sayyidna abou talha waxo defo radiyallahu anhu nga xamné tolam dafa gis ni tol bi le gëna bëgg ci tolam ni mu dem saraxé tol bi ko tay man bo ko saraxé da na ko jël waaw tay bo démé nga wut un appartement bu baax wala ben imam bu baax baax ni aussi je nga ñëw ne ma yow la ko sarax da na ko jël waaw ke mais li nga xamantene wa ba gënisé bax na la doon gën mais li nga xamantene mais nga jël ben ki bu waaw voilà bu ko xé waaw si yéne bo xamné dang ko solo bu mu fouri commencé am ay yenn trace yu ko so porté fu tout néna wa ngani mo na xout kuma ko sarax quoi mais le gars là qui est là je vais essayer de lool bo ngi ko joxé damay dañ bo ñu amna kuma mësa jox ben yéré bu dafa ñew en fait la tek bobu ñu ngi ci daara ju feele ñu ñu ñew laaj way ki momu dañ ma yoon ni nangam ki pour ñu ñew ci daara ji xol fi ñi ci pour ñu joxe sarax quoi est-ce que daaru yeen ben vêtement yere bu wex la comme genre comme yere bi señ bi sax mais bu gudd quoi ma xol ko ne sama xel tey ci quoi ni ni mo ko jël da wex dal après nak waji da di préciser dal sarax la mona voilà kon li ma don xalaati yaakaarna mom señ dugu pour war na ko ne ko wax malu ba ak señ fa allu non man ah non mom da ko do bax no akki ne lañ mo jox lañ ko yelle ko wala non bax lu bax dëgg ah mais dañ lay jox lo xamantene ñoom manam dara amul valeur en fait pour après lo xamantene yow lim la mëna yaqal keen xamul ñu tor Petite question à Zaka, vous savez que nous avons eu le tabaski aussi par rapport à Kharmi. aussi non lay xawa mel wala am na différence wa amna touti différence rek amna touti différence mais xarum tebeuski tamit non dang koy dundal ci dekk bi ngene kéré légui lañ sé tay bu fekkenté né parce que dafa am ay raison yu bari raison bu ñëkk bi mom moy da ngay dundal symbole bi ci dekk bobu té lool moy li jaadu ñaarël bi ci dess mom moy suma ko dé yonné man ma yonné ki yonné kenen yonné kenen yonné ñun ñëpp ñu yonné après ñun du xalé yi buñu mag do ñu xamanté lan moy tebeuski buñ ko xama xalé yi après buñ magé nonu lañuy def ba dañuy dem ba ay moment dañuy laaj est ce que li effectivement sunna la wala dit est ce que ci la bokk wala wala gañé ko ci yox rek wala buñ déggé ko koy wax sax dañuy fogné waji dañ lepp comme yu béré yiñ sagalé ba légui loolu la mel nga am na mu déggé ko koy wax sax dañuy défé no waji est ce que yu wax loolu wala comme ngenté yi légui surtout bi ci gëna marqué moy wat bi nga gis gaay rek ko commencé la non mais dégg na mo bo daggé ben ki rek baxna mais rek to dig wala mais voilà légui imaginer tay ki def ko ñene def ñu mu bari ñu légui muñ commencé bari ñun ñu commencé japp né way loolu non mais graw loolu amul problème mën nañ ko baña mën nañu dagg ki rek c'est pas important yoyu au fur et à mesure affaire bobu di am au fur et à mesure lool di am lan moy xew nit ñi doon ñu watati ce qui veut dire que buñu gisseté sax ku nañ leen wat ci ngenté ci wat ci la bok dañuy défé né waji dé lepp dañ nan wa yow diiné ju bëss di ñu fi bëgg indi alors que parce que tout simplement dañ top ay génération mais moy comme jigéen ñi di mur dañu top génération yo xamné ñun suñ jigéen ñi du ñu mur ñepp bayyi lool kenn waxul dara ñepp de encourager lool muju gi bu gaay de mur imam bi ci bopum lañuy def pour ñu war ndaw ci pour ñu di muray té lool logique lu ko waral parce que tout simplement dañu tok ay décennies yo xamantene dañu sagane lool bañu bari dañuy ko nga sax non lool warta na xana waj gis nga tay ko non voilà tay fim tollu tay fim tollu boy wax masalan tay masala bu neuma ngi ne comme ni goor mu wat ci kimam dafa haram et que bakkar la ci jele et que boudé imam malik sax daf ni kuko def nañ ko jël door ko ciaw ko ay yar ak lu mel non mais c'est à dire que yow sokoy wax sax en fait dañuy fogné non ki dafa wara djoum non ki da wara djoum quoi parce que tellement dañu gis contraire bi ba nga xamné ba par dañ koy gis ci kilifa non affaire bi non ki dafa wara djoum quoi alors que djoumou la lolo ne ci théorie maintenant ci pratique bi lolo lañu gisatul mais ci théorie mom lolo ci nek voilà. Est-ce que c'est probabilité homme impair bi lu infime la par rapport ak ñu ñëw mais voilà voilà probabilité bari wuñ impair bi par rapport voilà c'est amon la question voilà bu nekké yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam comme par exemple sans que ci fas bi hadith bobu nga indi le fait que par exemple ñu tok ko ba paré mom lekku ci ñun vu que mom moy suñu royu kay lan mom mo gën nekké par exemple dañu nek ci probabilité bo xamné dañu tégal fas ñu togo ko ni tégal ñu même bu nekké xamné ñu effectivement mom suñu wa ngir li lañ wax ñun lan lañuy jëfé non mais yantou bi sallalahu alayhi wasallam bu ci amone dara lu ci nek dina ne bu len ko lek mais lu mo ma néna lek len lolu mot la parce que comme bar tamit lolu la mel mom mo ne mom du ko lek cela ne veut pas dire que dafa haram au moment où mom ci bopam wax na ne dagan na mune ko lek donc lolu voilà yentou bi sallalahu alayhi wasallam ay jëfum dafa am ay catégorie yoy yaakaana leralon nañ ko ci ben hadith bo xamantene leralon nañ ni catégorie yi nga xamantene mom la yentou bi sallalahu alayhi wasallam ay jëfum dama may catégorie amna yo xamantene donc wara top ndo roy ko ci obligatoirement parce que dafa leral lo xamne farata la comme tay par exemple nit ñi julle dañ ko ci wara roy par exemple tay nit bu mënul taxaw rek ne yalla daf ni rek julli len et que kon juroomi julli yi fu ngi koy numu koy defé par exemple yentou bi sallalahu alayhi wasallam mo ñu jangal ni juroom lañuy def et que juroomi heure yi la et que ni lañuy defé benn bu ci ne lolu kon dañ ko ci wara roy ko c'est une obligation amna benen yo xam ba paré tamit ne buñuy julli dañuy sujud lolu dañuy ruko dañ ko ci bolé yuy ba paré ordre bi taxaw la après ruko après nga jogat taxawat après nga sujud nga togat nga sujudat nga tok manam yoy dañ ko ci wara roy lolu c'est une obligation amna yo xamantene dañ koy roy parce que tout simplement dañ koy roy ci jëf ji parce que lolu dafa gën moy yépp mbir yi nga xamantene daf koy def ak diko wax surtout yi mi def te fekk dañ gis ni sunna la manam du farata du obligation yoy dañ ko ci roy yi nga xamantene yoy ay jikkom la tamit dañ ko ci roy ne li moy jikko yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam li daan nekkulon jikkom li mo nekkon jikkom yoy dañ ko ci roy amna yo xamantene ba ki la yent bi sallalahu alayhi wasallam dako dan def et que melu naturel la comme par exemple kuy dox da nga yeungal sa loxo kuy dox da nga yeungal sa loxo lolou par exemple lolou nonou ak comme par exemple kuy nimi nelawé par exemple di xandor yent bi sallalahu alayhi wasallam da xandor ak yu mel non yoyu do kenn waxul ñu roy ko ci voilà ak yi nga xamantene voilà yi nga xamantene tay par exemple mën na ko ci roy ak mais mën na ko ci baña roy solo sama ki moy comme par exemple yent bi sallalahu alayhi wasallam yeri bi mu don sol bi nga xamantene mom lay sol ci bir nit ñi ni mom lay fanano bu paré mom lay doxé soxlo mom lay démé julli après lolu par exemple mën na ko ci roy comme mën na ko ci baña roy voilà leg nga gis comme niñ koy gisé ci hadith sayyidat aisha bi radhiyallahu anha comme par exemple yent bi sallalahu alayhi wasallam daf daan bëgg daf daan comme par exemple dañu xamone dafa bëggoon par exemple yenn xéetu ñam yi voilà comme yent sallalahu yenn xéetu ñam yi mu bëggoon yoyu mën nga ko ci roy comme mën nga ko ci baña roy and ak ni yi ñuy wax yépp roy ko ci mo gën bañ ko roy and ak yi ñuy wax yépp roy ko ci mo gën bañ ko roy mais pas parce que dafa ni won mom du lek ni parce que mom non la mel yaram mo mel non lool dalay wone tamit am ñam yo xamantene xeyna yow ñam yi du sa ñam mais lool dara nek ci parce que tout simplement duma ko lek dafa ma gënaliku par exemple voilà ñam bo xamantene tay fim toll dafa ma gënaliku mais ma bañ ko lek lolu haramu dara nek ci ayul du dak lota yeen sa sam don lo lek meut lota lekul won fas donc du problème voilà lolu mais et que le fait que mu wax na la mel mais yeen lek len limu wax na lañ ko def ak mom limu def lo tolo wala lolou mom motax borom xam xam rahmatullah alayhi di wor ta soir di wax na lañu wor ta soir moy veyu tam xarit moy jour bi ñu ne guddigi tam xarit la yeen sallam musuko wor mais dañu wor bu fi deewen bu ko fekke dañ ko def kon lolou mu wax ak limu def ño tolo et cetera voilà donc yoyu ay catégorie la jëf yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ay catégorie la amna yo xamantene tamit daf koy def mais dafa kharam ñu roy ko ci am yo xamantene dañu sip ñu roy ko ci exemple yi ñu sip ñu roy ko ci moy lu demé nek wissal moy wor baña dox suba nga worat baña dox suba nga worat di tégalé ko ay fan lool mom yeen sallallahu alayhi wasallam da ko don def mais dafa dañu sip ko ci roy mais li nga xamantene mom par exemple da koy def te dafa haram ñu roy ko ci moy do me nek tak lu upp ñent jabar voilà donc yoy yep ay manam ay catégorie la jëf yenen ci sallallahu alayhi wasallam amna yo xamantene par exemple ay xéetu jaamu yalla la yo xamantene leg leg sax borom xoxu mi rahmatullahi alayhi dañuy wuté ndax dañ ko ci wara roy wala deet est ce que manam ndax daf ko def ndax naturem la wala deet moy lu demé nek bu julé war ñaari fajr rakay fajar ba paré da nan teud ndey jor bi touti dogu juk dem julli ji suba wala bok bimu don ñew medina bimu joge medina dem makka batha la jare ci côté bobu la jare wacc juggu makka ndax dañ ko ci roy wala de parce que tout simplement côté bi mu jare la motax parce que tout simplement mo gëna jublu côté medina bi waaw wala de yoy borox xom bi dañ ci wuté rahmatullah alayhi et que ala kulli halin li gën moy def li yent bi defo sallallahu alayhi wa sallam andak na dañuy wouté nak voilà motax ku melni ibnu umar radiyallahu anhu dan def mom fu yent lu yent bi sallallahu alayhi wa sallam defon mom da koy robuno fu meuna jaar ah fu meuna jaar bu yent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaré fenn teug nelaw touti nokalu mom même bu yakam de bu fa jaaré dana teud nelaw touti nokalu dogu continuer parce que tout simplement gis na ni yent bi sallallahu alayhi wa sallam du def dara par hasard sayyidna anas radhiyallahu anhu lol la dan wax neena man dugga moy xet ñeex la ni bo xamantene man danaka bugumako won mais nak neena mang koy bëgg jour bima gisé yent bi sallallahu alayhi wa sallam jël mburu mi ni di top ñeex momu diko mané yent bi bëgg nako kon da nga ko def voilà voilà ak xal bi mu ne fas xamnu ko yent bi di lekke sallallahu alayhi wa sallam wala imam ahmad mu ne leppuma xal parce que xawma nan la ko yent bi lekke wax sallallahu alayhi wa sallam voilà mais yoyu voilà c'est voilà manam segam ci symbole yoyu lañu manam yoyu nga xamantene ay mbir lu élémentaire parfois lañu royen tim salatal la borom xam di wax manam du top mbir yoyu ci yentim salatal mais naka lañu xalat ci yeneen yi nga xamantene ñoo ay symbole lañu ay mbir la yo xamantene mom ci bopam da koy poukere wu ci mbir yoyu ay mbir la yo xamantene daf ko jangale ni bi lañ ko def tan lañu xalat ci lool lan lañu xalat ci lool yalla nañu yalla sam waay deg ñu ñu jéxal ki bi mu tejé ñentélu question bi moy ci dafay laaj ba xam ñombar wa lab na wala dit non la ko poser mais question bi dess na lèr la la pay est licite ou la pay moy la pay manam moy le mais da koy ñom moy le ben la ben la le xer ndombar moy le ah Non, la paix. mais non mais nous ni ni am suñu kër yi lan la tuddu mais la différence la différence les le am na وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين